Substitution. Si l'île, abandonnée des vagues, devenait continent, seul le frôlement du vent apaiserait sa peine, lui ferait accepter sa nouvelle dimension.